Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, comme chaque lundi, nous parlons santé. La moitié de la population de la planète est exposée au paludisme. Si la maladie a été éradiquée dans une trentaine de pays depuis la seconde moitié du XXe siècle, elle continue à sévir et à tuer lourdement en Afrique subsaharienne qui concentre plus de 90% des cas d'infection et de décès. Pourquoi aucun vaccin probant n'a-t-il été trouvé et comment expliquer qu'en territoire impaludé, certaines personnes soient immunisées et pas d'autres? Faudra-t-il avoir recours à des moustiques génétiquement modifiés pour mettre un terme définitif à cette épidémie qui tue encore 1,5 million de personnes, principalement des enfants, chaque année? Paludisme, un fléau qui résiste, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et comprendre les enjeux médicaux et sociaux d'une éradication planétaire du paludisme, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Mazier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, responsable d'équipe au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour Olivier Sylvie. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM, responsable d'équipe au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses également à la Pitié. Vous pouvez suivre cette émission, eh bien comme chaque jour, sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, pour commencer, tout récemment, l'OMS a alerté, c'était la semaine dernière, sur la situation en Angola, qui traverse une crise aiguë de paludisme avec plus de 300 000 cas depuis le début de l'année et déjà plus de 1000 morts en cause de la saison des pluies, bien sûr, mais aussi l'insalubrité, notamment le non-ramassage des ordures. Est-ce la preuve, une fois de plus, que le paludisme est avant tout une maladie des pays pauvres et des États faillis ou corrompus, selon vous, Dominique Mazier? Si on regarde la carte de la répartition des cas de paludisme et la carte de la pauvreté, elles sont clairement, il y a une superposition. Et c'est sûr qu'une des premières causes de la gravité du paludisme, c'est le fait qu'il se situe dans ce qu'on appelle en fait la ceinture de pauvreté du globe. Très bien, Olivier Sylvie, votre point oui, de vue. Je pense que c'est un cercle vicieux parce que le paludisme contribue lui-même dans les zones d'endémie, dans les zones à forte transmission, à entretenir une certaine pauvreté, les gens malades qui ne travaillent pas. Ça contribue au niveau socio-économique, en fait, ça participe. C'est un des facteurs de pauvreté. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça reste une maladie qui est extrêmement prévalente, notamment en Afrique, comme vous venez de le dire. 90% des cas, 92% voilà, des décès. Qui est lié à la biologie, à l'épidémiologie, en fait, de cette maladie, qui est une maladie infectieuse, qui est transmise par un moustique, donc c'est une maladie vectorielle. Et en fait, les conditions, justement, climatiques influencent énormément la densité de la population du vecteur, du moustique, et contribuent à ces épidémies qu'on voit en Afrique. Que nous disent aujourd'hui les dernières études épidémiologiques de la répartition, de la prévalence, précisément, du paludisme, Dominique Mazier? Ce qu'on peut dire, c'est que en 15 ans, on a diminué fortement la prévalence du paludisme et en particulier au niveau de la mortalité. On est passé de 1 million il y a quelques années. Moi, j'enseignais aux étudiants en médecine qu'il y avait 1 million de morts par an. Actuellement, on est à 450 000. Un peu moins de 500 000. Mais je voudrais dire que ça, ce sont les chiffres de l'OMS. Et que l'OMS lui-même lance une sonnette d'alarme en disant « En 15 ans, on a fait des progrès remarquables, parce que c'est quand même diminuer le taux de mortalité de 50%, c'est extraordinaire. Mais attention, on a non seulement ça stagne, mais dernier relevé épidémiologique, visiblement, il y a plus de cas de sujets qui sont infectés. Et ça, il faut arriver à comprendre ce qui se passe. » Il y a effectivement une forte disparité, hein, si on regarde un peu finement cette épidémiologie. Il y a une diminution. Alors moi, les chiffres que j'ai, qui datent de 2016, qui sont ceux de l'OMS, disent moins 18% de contamination. Effectivement, 50% de morts en moins. Donc il y a des progrès indiscutables qui ont été faits. Néanmoins, il y a des zones où le paludisme progresse à nouveau. Il faut regarder ça peut-être avec un peu plus de... Alors il y a deux choses. Il y a, de manière globale, les chiffres stagnent. Hein. C'est sur les derniers rapports OMS, c'est ce que soulignait Dominique Mazier. On a l'impression d'atteindre, alors c'est peut-être une sonnette d'alarme, d'avoir atteint une limite dans les méthodes de contrôle qui ont fait leurs preuves au cours des 15 dernières années. Et on a effectivement en Afrique centrale notamment des quelques pays qui restent lourdement touchés. Comme l'Angola. Y compris l'Angola, qui reste malheureusement des endroits où il y a encore énormément de paludisme. Les efforts, l'OMS a lancé un programme très strict d'éradication, hein, par tranche de 10-15 pays tous les 10 ans, en disant qu'on va avoir encore 10 pays qui vont éradiquer. Ça vous paraît un programme aujourd'hui réaliste, Dominique Mazier ? En tout cas, c'est ce qu'il faut avoir en tête, l'éradication, en sachant que si on éradique dans un petit coin d'Afrique et pas le petit coin d'à côté, ça va pas les anopheles, qui sont les moustiques vecteurs. Les anopheles n'ont pas la notion de frontière. Donc, bien sûr qu'il faut tendre vers ça. Et si on veut diminuer vraiment la répartition du paludisme et son importance, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vraiment essayer d'éradiquer. À partir du moment où vous n'éradiquez pas, à partir du moment où vous avez toujours quelque part un malade qui est porteur de gamétocytes, peut-être il faudrait expliquer on, tout on ça. Va l'expliquer dans quelques instants, bien sûr. Et l'anophèle de service qui est là, eh bien, ça repart. Est-ce qu'on lit aujourd'hui que c'est beaucoup, je le disais pour l'Angola, l'Angola est critiquée pour notamment la gestion du ramassage des ordures qui n'est plus effectuée, qui contribue à développer en saison des pluies et bien des poches de réservoirs pour les moustiques, pour la reproduction des moustiques. On lit beaucoup qu'avec un effort financier supplémentaire, on pourrait arriver à la quasi-disparition du paludisme. Vous pensez que c'est vraiment une question d'investissement financier pur et dur, Olivier Sylvie ? Ça contribue forcément quand on regarde l'éradication, par exemple, du paludisme en Europe. Voilà. Un des facteurs clés, ça a été l'assainissement, hein, des changements de méthode dans l'agriculture, l'assainissement des marais, et ça a été le facteur primordial avant probablement l'utilisation massive d'insecticides et les traitements distribués aux malades. Donc c'est un facteur clé, ça c'est clair. Est-ce que ça suffira ? Probablement pas, et c'est pour ça qu'il faut... je pense qu'il faut envisager l'éradication, ou en tout cas le contrôle du paludisme, de manière globale, avec les différents outils qu'on a, et très clairement, l'environnement fait partie des éléments de lutte vectorielle très, très importants, mais ce n'est qu'un des éléments... de contrôle dont on dispose. On peut rappeler que le paludisme était présent en Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Au milieu des années 90, on recensait encore 90 000 cas en Europe et il n'y en a plus aucun depuis 2015. Comment on explique aujourd'hui, alors de manière un peu pour conclure cette introduction, en quelques mots, Dominique Mazier, qu'il y a certains pays, les derniers pays à avoir éradiqué le paludisme, sont l'Arménie, les Maldives, le Maroc, le Turkménistan et les États arabes unis. Certains pays comme le Turkménistan qui ne sont pas des pays riches, qui arrivent néanmoins à éradiquer le paludisme et que d'autres bien n'y arrivent toujours pas. Il faut voir que la prévalence dans ces pays-là n'est quand même pas ce qu'on observe en Afrique. Hein, je veux dire, ils sont pas riches, mais ils sont quand même sûrement plus riches que les pays RDC et des pays qui sont en zone intertropicale, c'est clair. Et pour rebondir là-dessus, je pense qu'on n'est pas non plus à l'abri dans certaines régions, y compris en Europe, hein, en Europe du Sud, de réintroduction du paludisme avec des cas éventuellement de transmission autochtone. Donc je pense qu'il faut être très très vigilant et c'est un effort qui doit être soutenu, continu. Et à long terme. De réintroduction en Europe du Sud, vous pensez à l'Italie, l'Espagne, alors l'Italie, il y a eu un cas, récent. En Grèce aussi, il y a régulièrement des cas où on suspecte des transmissions autochtones. Mmh. Donc avec les flux migratoires, avec les conditions climatiques qui peuvent... Le réchauffement climatique qui pourrait jouer un rôle, notamment sur le cycle de reproduction des moustiques. Non, Dominique, Mazier, vous n'êtes pas sûr. J'aimerais bien qu'on discute... On va peut-être y arriver. Mais vous pouvez en parler, justement, parce qu'on dit qu'on peut craindre avec un réchauffement oui, des températures. Très rappeler que... en Angleterre, dans l'Essex, qui est quand même à une centaine de kilomètres de Londres, pendant la période de petite période glaciaire, eh bien c'est à cette période-là qu'on a testé la quinine. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y avait suffisamment de patients pour qu'on puisse faire ce traitement. Et juste encore un peu anecdotique, c'est celui qui a écrit, Robinson Crusoe, a écrit également sur en fait le palu dans les sexes. Mmh. Il disait que dans les zones très côtières, les hommes sont costauds parce qu'ils ont appris à mettre en place une immunité de protection, mais qu'ils vont chercher leurs femmes dans la ville où il n'y a pas, ou dans les collines avoisinantes où il n'y a pas vraiment les jeunes femmes ne sont pas en contact, et elles arrivent, ils les amènent chez eux, en 6 mois elles sont mortes. Et donc on voit des gens qui se marient 10-15 fois, voilà. Et ça c'est dans une Angleterre, je sais qu'il va dire autre chose, mais c'est dans l'Angleterre très froide, très froide. William Shakespeare évoque le paludisme dans plusieurs de ses pièces, par exemple. Dans 8 pièces. Dans 8 pièces, exactement. Olivier Sylvie. Oui, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut qu'on parle de paludisme au pluriel, parce qu'il y a plusieurs, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a plusieurs espèces de plasmodium, donc de parasites, on en parlera après, responsables, et probablement là, on parle... Il faut différencier le paludisme en Afrique qui tue les enfants du paludisme qu'on rencontrait récemment, y compris en Europe du Sud, qui est un paludisme à plasmodium vivax, donc avec certaines différences, notamment climatiques. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Oui, on parle du paludisme tout au long de cette heure en compagnie de Dominique Mazier et d'Olivier Sylvie et de l'anophèle qui est le vecteur du paludisme, le moustique anophèle. Alors pour comprendre pourquoi il est si difficile de lutter contre le paludisme, faut-il bien le connaître. Et l'une des pistes de cette connaissance réside dans son histoire, Dominique Mazier, parce que le paludisme homo sapiens, c'est une histoire qui remonte très très loin. On parle d'associations coévolutives. Tout à fait. C'est-à-dire, on a retrouvé des momies qui étaient, semble-t-il, infectées par Plasmodium falciparum ou Plasmodium vivax, Tutankhamon. Mais ceci dit, Tutankhamon, on l'a fait mourir de beaucoup de choses. Il semble qu'on l'ait fait aussi mourir de paludisme. Donc c'est et ça remonte même bien avant. On parle du paléolithique, 50 000 ans. Ça veut dire 50 000 ans de coévolution. Ce qui expliquerait que finalement Plasmodium soit un parasite de longue, longue date de Homo sapiens. Alors encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça dépend des espèces de Plasmodium. Alors quelles sont-elles les espèces de Plasmodium ? Donc en fait, il y a énormément d'espèces de Plasmodium qui affectent les oiseaux, les reptiles, les mammifères. Et chez l'homme, il y a 4 espèces principales qui sont spécifiques de l'homme et une 5e qui est un parasite de singe qui peut être transmis à l'homme. Donc on considère généralement qu'il y a 5 espèces de Plasmodium. Qui sont, qui peuvent, on peut les nommer. Et donc les principaux, les deux principaux sont Plasmodium falciparum, qui est le parasite qui tue, et Plasmodium vivax, qui est la deuxième cause de paludisme chez l'homme, et pour vraiment schématiser, c'est le principal agent du paludisme en dehors d'Afrique, donc qui est très répandu. Et en fait, les tableaux cliniques sont très très différents, puisque Plasmodium vivax, en règle générale, provoque des paludismes qu'on dit bénins, c'est-à-dire dont on peut se remettre, avec une problématique dont on parlera un petit peu plus tard, qui est que le parasite peut persister dans l'organisme et créer des rechutes. Je pense qu'on en parlera. Bien sûr, ce qu'on appelle des relapses. Dominique Mazier. Mais sur le côté bénin du vivax, je voudrais dire que depuis quelques années, pour des raisons qu'on ignore, vivax devient de plus en plus agressif et on a des mortalités avec Plasmodium vivax. On ne comprend pas. On en reparlera parce qu'il y a ce regain d'agressivité puis aussi des résistances et aux insecticides pour les moustiques anopheles et aux antipaludiques pour Plasmodium. Comment on l'a dit, hein, finalement, le paludisme était présent au nord, il a fini par être éradiqué en Europe, mais pendant très très longtemps, Olivier Sylvie, on a cru que le paludisme était une maladie qui était liée à l'humidité, qui était liée au climat. Oui, alors en fait, c'est le fait que le parasite soit transmis par un moustique, et donc il y avait une association donc qui n'a pas été faite tout de suite. Hein. La démonstration en fait de la transmission par le moustique date du tout début du 20e siècle. Hein. Il y a eu un prix Nobel pour ça à Ronald Ross qui a démontré la transmission par les anopheles. Et la découverte même du parasite en fait responsable date de 1880. C'est Alphonse Lavran, qui était médecin en Algérie, un médecin français en Algérie, qui a découvert le premier le parasite dans le sang de patients infectés. Donc il y a eu des tas d'hypothèses auparavant sur la nature de cette maladie, donc on connaissait, hein, qui était décrite depuis, depuis des millénaires, et c'est que finalement assez récemment qu'a pu être identifié donc ce parasite. Mais avant même de savoir et avant de comprendre exactement la nature du paludisme, en revanche, on a trouvé d'ailleurs au cours des explorations, des conquêtes, notamment de l'Amérique du Sud, les premiers remèdes végétaux. Dominique Mazzi. Alors, le premier remède qui a été identifié, c'est la quinine. Alors, évidemment, ils ne savaient pas qu'il se traitait contre le paludisme, puisque le paludisme, on ne savait pas encore ce que c'était. C'était au XVIe siècle, et c'était les jésuites qui cultivaient du quinquina, et qui s'étaient rendu compte que les paysans qui mâchonnaient, pour des raisons que je ne sais pas, mais qui mâchonnaient des écorces, eh bien, avaient moins de fièvre. Et c'est à partir de là que la quinine a été exportée vers l'Angleterre, et c'était ce qu'on appelait la poudre des jésuites. Le tout début n'a pas été extraordinaire, ça n'a pas marché très très bien. Et puis il y a eu un tilt au moment où cette écorce a sauvé le fils de Louis XIV, le roi dauphin, le dauphin, oui. Et à partir de là, à la construction de Versailles, où il y avait énormément de mortalité pendant la construction, tout le monde s'est mis à mâchouiller de l'écorce de quinquina, visiblement était très très efficace. Ça, le quinquina et la quinine, c'est une des premières découvertes. Par ailleurs, en Chine, on a découvert ce qui va devenir et ce qu'on va découvrir comme étant l'artémisine, qui est l'autre, qui sont encore les deux molécules qui sont employées aujourd'hui comme antipaludiques. Ah ben l'artémisinine, c'est le traitement de première intention à l'heure actuelle du paludisme. Mais ça, je pense que Dominique Mazzi pourra décrire mieux que moi l'histoire de la découverte de cette molécule. L'histoire, en fait, il faut ça. On peut la faire commencer à plusieurs endroits, mais on va la faire commencer pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est entre 55 et 75. Et les soldats américains étaient traités par l'anuvaquine, qui était une molécule qui marchait encore pas trop mal. Et par contre, tous les soldats vietnamiens mouraient. Ils disaient, on meurt plus de paludisme qu'on ne meurt à cause des soldats américains. Et donc, ils ont appelé Mao Tse-tung, qui a dit, mais on va aider le frère vietnamien. Et il a mis en place des équipes. Et en fait, il a fait travailler plus de 600 scientifiques. Qui ont essayé de trouver un remède. Alors, ils ont criblé les molécules synthétiques qu'ils avaient, et surtout, ils ont été sur le terrain, essayer de voir ce que faisaient les sorciers. Et à partir de là, Yu Yutu, parce que c'est elle qui aura d'ailleurs le prix Nobel en 2015, et Yu Yutu donc, va s'occuper de sélectionner ces plantes qui, semble-t-il, ont l'air de jouer un rôle contre le paludisme. Et elle va utiliser un modèle animal, c'est-à-dire qu'elle va prendre Plasmodium berghei, qui est un Plasmodium de rongeur. Oui. Elle va injecter ça à des souris et elle va tester. Rien ne se passera pendant assez longtemps, jusqu'au moment où, bingo, il tombe sur Artemisia annua, sans pouvoir répéter des bons résultats. Et là, le coup de génie de Yu Yutu aura été de repartir sur les très anciens livres, et en particulier, elle verra sur la tombe qui date de avant Jésus-Christ, et elle repartira sur les parchemins, et là, elle verra qu'en fait, à ce moment-là, les gens prenaient l'artémisinine, ils la secouaient un petit peu dans de l'eau, et ils buvaient ça. Et ils étaient protégés. Et Yu-Yu-Tu a dit, mais on ne fait pas ça du tout. Nous, on est en train de... On ébouillante notre plante pour essayer d'en faire sortir les principes actifs. Mais en fait, on les détruit. Voilà. Et à partir de là, donc, ça a été... voilà, ils ont travaillé sur Artemisia, l'artémisinine. C'est une molécule absolument fabuleuse qui a sauvé des millions et des millions de patients, sûrement. Et qui est aujourd'hui un remède relativement efficace, Olivier et Sylvie. Alors oui, ça reste un médicament très efficace. Par contre, il y a des inquiétudes qui sont nés de certaines régions d'Asie, notamment aux frontières entre la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. C'est une région où on a vu émerger, il y a quelques années, des parasites moins sensibles. Alors on peut utiliser le mot résistance, c'est pas une résistance classique, mais des parasites moins sensibles. Et là, c'est un vrai signal d'alarme, parce que il faut dire une chose, c'est que l'artémisinine, c'est l'arme principale en termes de médicaments dont on dispose contre le paludisme. Si le parasite devient résistant à l'artémisinine, et si cette résistance s'étend d'Asie vers l'Inde, puis en Afrique, ça sera une vraie catastrophe. Parce qu'on a, pour le moment, rien d'autre de disponible, d'aussi efficace que l'artémisinine. Et on va en parler un peu, effectivement, de ces mécanismes de résistance dans quelques instants. Peut-être qu'on peut expliquer aussi, pour comprendre bien comment et pourquoi est-ce qu'il est si difficile de lutter contre ce parasite, le Plasmodium, quel est son cycle de reproduction, parce que c'est un cycle de reproduction extrêmement complexe, et c'est là où on voit tout le travail évolutif qu'il y a pu avoir depuis des dizaines de milliers d'années entre le parasite et ses différents hôtes, le moustique anopheles, mais aussi en l'occurrence l'être humain ou différents types de mammifères. On le connaît extrêmement bien, il a été identifié par un Italien, cette fois-ci Giovanni Battista Grassi, à la toute fin du 19e siècle, en 1899. Il était zoologiste. Grassi, c'est quoi le cycle de reproduction? Qui veut commencer, nous expliquer le cycle de reproduction de Plasmodium? Allez, Dominique Mazzi. Oui. Alors, on va le faire démarrer. Oui. Prenez un papier et un crayon, parce que vous allez voir, il y a plein de stades, il y a plein de noms compliqués, mais c'est assez passionnant. Simplifier. On va faire partir du moustique. Le moustique a le parasite dans ses glandes salivaires. On l'appelle sporozoïte. Je peux dire ces mots-là, oui. Vous pouvez tout à fait dire ces mots-là, parce qu'on va les réutiliser tout à l'heure, oui, et on va compliquer. Mais ça va être intéressant de voir à quel niveau on intervient justement dans les différents types de traitements ou traitements ou vaccinatoires. Bref, allez-y. Voilà, donc le moustique a dans ses glandes salivaires des sporozoïtes, et quand il va piquer, les sporozoïtes vont gagner rapidement le foie, où il va se multiplier à l'intérieur des cellules du foie, les hépatocytes. C'est une phase asymptomatique. Important de le préciser. Asymptomatique, voilà. Tout à fait, ça c'est très important. Au bout de quelques jours, le parasite va être énorme, il va éclater et il va sortir du foie, il va pénétrer dans le sang, il va pénétrer à l'intérieur des globules rouges, et là ça va être la multiplication du parasite dans les globules rouges, c'est le début de la pathologie. Là on commence à avoir des poussées de fièvre. Des poussées de fièvre et puis tous les symptômes. Et éventuellement mourir, c'est quand on est infecté par Plasmodium falciparum. Parallèlement, vont s'individualiser des formes sexuées, c'était les gamétocytes dont j'ai parlé tout à l'heure, et ces gamétocytes, quand ils vont être avalés par un autre moustique, a priori un autre, ils vont se féconder, transformer en gamètes, féconder, et à terme, il va y avoir production des sporozoïtes qui vont gagner les glandes salivaires du moustique. Voilà à peu près le cycle. Peut-être qu'il faut ajouter à ce cycle-là, qui est le cycle actif de la maladie, la version latente, puisque l'un des problèmes du paludisme, c'est qu'il peut rester de façon latente dans le corps, de façon quiescente pendant des semaines, parfois des années. Alors ça, c'est un phénomène qu'on n'observe pas avec tous les plasmodiums. Donc on parlait de Plasmodium falciparum, qui est l'espèce la plus dangereuse pour l'homme, hein, c'est celle qui tue les enfants en Afrique. Les formes latentes, on les observe avec d'autres parasites, donc avec Plasmodium vivax, dont on parlait tout à l'heure, qui est très répandu en Asie notamment, et avec Plasmodium ovale, qui lui se rencontre en Afrique, mais qui est moins fréquent. Et ces espèces-là ont la particularité, effectivement, au moment de leur développement dans le foie, qui est la première étape, qui correspond un petit peu à l'incubation de la maladie, il n'y a pas de symptômes à ce stade-là. Qui dure combien de temps, déjà? Qui dure environ une semaine Plasmodiums. Pour les plasmodiums humains, chez l'homme. Chez la souris, c'est plus court, mais chez l'homme, ça dure environ une semaine, 7 à 10 jours, ça dépend des espèces. Et certains parasites, comme Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, peuvent se cacher dans les hépatocytes et rester sous une forme dormante. Ils ne se multiplient pas et ils peuvent persister pendant des semaines, voire des mois, dans les hépatocytes. Et à un moment donné, et on ne sait pas tellement, on ne connaît pas encore les mécanismes, ils vont se réveiller, se multiplier, sortir du foie pour aller infecter les globules rouges. Et là, on a apparition des symptômes du paludisme. D'une nouvelle crise du paludisme, les hépatocytes étant les cellules du foie. Ce cycle-là, aujourd'hui, on le connaît, on le maîtrise parfaitement. Dominique Mazier, à quels endroits, par exemple, la quinine et l'artémisine interviennent-elles pour guérir ces crises de paludisme? Ces médicaments ne marchent absolument pas pendant la phase hépatique. Elles vont, par contre, donc agir au niveau du stade érythrocytaire. Et l'avantage de l'artémisinine... Érythrocytaire, c'est dans les globules rouges. Hein. Oui, pardon. Et donc, l'avantage, le point très positif de l'artémisinine, c'est une molécule qui agit très vite. Et en particulier, qui va agir sur les formes très jeunes du parasite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parasite, à l'intérieur du globule rouge, va grossir. Et quand il sera mûr, il va faire exporter à la surface du globule rouge infecté des molécules d'adhésion qui vont adhérer aux cellules des micro-vaisseaux du cerveau, du rein, du poumon. Et donc, on comprend assez facilement les complications qui peuvent survenir. Et donc, l'artémisinine, contrairement à la quinine, agit très tôt et donc empêche le parasite de maturer et d'aller adhérer aux micro-vaisseaux. Et alors, une question de béotien, pour conclure cette partie un peu de microbiologie cellulaire, Olivier Sylvie, puisque l'artémisinine fonctionne si bien, on appelle ça les ACT, hein, puisque c'est de l'artémisinine reproduite en laboratoire et des formes de trithérapie un peu plus complexes que la seule molécule végétale d'origine. Mais comment se fait-il, puisque cette molécule fonctionne si bien, qu'on ait encore autant de contaminations et surtout autant de décès? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les transmissions continuent et quand on traite des gens, c'est qu'ils sont malades, donc on traite les malades. Il y a notamment en Afrique tout un réservoir d'infections qui sont asymptomatiques, qu'on commence à peine à caractériser. C'est quelque chose qui est mal connu et qui contribue probablement de manière très importante à faire persister des populations de parasites dans les zones de forte endémie. Et on ne peut pas diagnostiquer tout le monde, on ne peut pas traiter tout le monde, donc ça c'est... du coup le parasite persiste. Donc ça contribue à maintenir le cycle, donc les anopheles s'infectent et peuvent transmettre le parasite à des individus plus jeunes, qui ont moins d'immunité, qui vont être... beaucoup plus sensible à l'infection. Les anopheles qui sont, rappelons-le, les moustiques vecteurs. Un mot peut-être aussi pour conclure cette partie, Dominique Mazier. Les principales victimes sont des enfants. Pourquoi est-ce que les enfants sont plus sensibles au paludisme et au plasmodium que les adultes? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre en place une immunité de protection. Et donc, ils meurent entre 0 et 5 ans. Après 5 ans, je dirais que soit on est mort, soit on commence à être protégé. Et donc on pourra, au fur et à mesure qu'ils auront des infections, ils vont mettre en place une immunité de protection de plus en plus importante. Et c'est le point important, c'est que c'est une immunité qui est labile, qui ne dure pas, et en particulier, si les gens ne restent pas en zone d'endémie, vont venir par exemple en France pour travailler, quand ils vont repartir, s'ils restent suffisamment longtemps en France, ils vont se comporter comme des bébés. Et ça, c'est très important à savoir, parce que ils sont pas un adulte qui vient en France se croit protégé définitivement du paludisme. Oui, j'aimerais juste rajouter une chose. Il y a une autre population à risque. Ce sont les femmes enceintes, en fait, en zone d'endémie, qui font ce qu'on appelle un paludisme gestationnel et qui est lié au fait, on en parlait tout à l'heure, hein, de ces parasites dans les globules rouges qui se collent aux micro-vaisseaux. Et en fait, chez les femmes enceintes, donc le placenta est un organe particulier où le parasite peut se coller. Et ça peut avoir des complications très graves sur le fœtus. Et on va reparler dans un instant de cette immunité très labile, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on se désimmunise aussi vite quand on n'est plus en zone endémique. Et puis on va voir que ça a à voir avec effectivement le fait qu'on a du mal à se débarrasser de ce fichu plasmodium. On en reparle tout de suite. So small, she thought she knew it all. She said she loved me from the inside out. She whispered in my ear, "You're so sweet." I didn't know what she meant until she kissed my cheek. Mosquito. Song. Why can't we Mosquito des Mosquitoes, hein, c'est un nom, c'est un double nom, puisque nous parlons évidemment du paludisme tout au long de cette heure en compagnie de Dominique Mazier, qui est professeur à Sorbonne Université, responsable d'équipe au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et avec Olivier Sylvie, qui est directeur de recherche INSERM, responsable d'équipe dans le même Centre d'immunologie et des maladies infectieuses à la Pitié. Alors, comment s'organise aujourd'hui la recherche sur le paludisme et pourquoi c'est une recherche complexe à mener? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez pris une douche de citronnelle avant de vous rendre au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses, donc dans ce même hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour comprendre comment on étudie les mécanismes d'infection du plasmodium. Oui, il valait mieux la douche de la citronnelle parce que je suis allée à l'insectarium de ce laboratoire pour voir un élevage de moustiques. Car pour comprendre les mécanismes de l'infection au plasmodium, il faut étudier ce qui se passe à l'intérieur du moustique contaminé. Karine Marinac, ingénieure de recherche au CIMI, m'a présenté leur élevage de moustiques et les travaux de son équipe. Ils cherchent à contaminer leurs moustiques avec des souris porteuses du parasite pour voir comment ils s'y reproduisent et surtout comment ils transmettent ensuite via la piqûre. Le cycle du moustique, c'est une partie dans le vecteur qui est le moustique. Et puis, lors du repas sanguin, il va injecter quelques parasites par la salive dans l'hôte mammifère. Donc, dans ce qui nous intéresse, nous, ça va être l'homme ou, quand on va avoir des modèles, les rongeurs. Ces parasites vont migrer à travers la peau et vont aller très rapidement vers le foie. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie où ils rentrent dans la cellule hépatique. Parce que cette partie d'invasion de la cellule hépatique, en fait, c'est une partie où il est silencieux, où on n'a pas de symptômes, et puis il va s'y développer. Donc à partir de quelques parasites, on va avoir multiplication dans les cellules hépatiques de façon silencieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que travailler sur la phase hépatique, c'est compliqué. Parce qu'il faut avoir les sporozoïdes. Avoir des sporozoïdes, ça veut dire avoir un élevage de moustiques. Donc nous, on a la chance d'avoir, par exemple, un insectarium où on va travailler avec des moustiques qu'on va infecter avec des parasites de rongeurs. Et donc, on va travailler sur ces parasites de rongeurs où on va récupérer des sporozoïdes des glandes salivaires des moustiques, donc qu'on a infectés, eux. Et ces sporozoïdes, on va les mettre, par exemple, en contact de cellules ou on va travailler avec des rongeurs pour essayer de comprendre les mécanismes d'entrée. Mais avoir des sporozoïdes, c'est compliqué parce qu'il faut disséquer des glandes salivaires et récupérer quelques sporozoïdes, en fait. Donc voilà, donc on arrive à l'insectarium. Donc à l'insectarium, il fait chaud, parce que les moustiques, pour se développer... Il faut un climat tropical. Voilà. Chaud et humide. Donc ici, il fait 27 degrés dans l'élevage. Bonjour Thierry. Thierry, il s'occupe de l'élevage. Donc avant que les moustiques soient infectés, et Mariam, elle est technicienne dans notre équipe, et elle s'occupe de l'infection des moustiques. Donc voilà, nous on est dans la partie élevage. Donc en fait, on a ce qu'on appelle une cage principale, qu'on appelle la pondeuse, où on va avoir des moustiques mâles et des moustiques femelles. Ensuite, Thierry va ramasser les moustiques en les aspirant gentiment avec ce système-là. Donc c'est une cuve. Oui, de cuve avec. Qui aspire. Ouais. Alors on a un système d'aspiration et avec un tuyau, et donc on va récupérer délicatement les moustiques ils vont arriver directement dans la cage avec la moustiquaire autour. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ces moustiques-là, on va pouvoir les infecter à l'aide de souris, de rongeurs que nous on va avoir infectés par exemple. En pratique, comment on les infecte, les moustiques ? Alors, en fait, le moustique, il va se nourrir de sang de la souris, comme quand il se nourrit de sang. Donc, on va endormir la souris, hein, pour des questions d'éthique et pour son bien-être. Et les moustiques femelles vont venir se nourrir du sang de la souris. Dans le sang de la souris, nous, on a injecté le parasite qui s'est développé dans la souris. Et il est dans les globules rouges. Et pour être transmis de nouveau aux moustiques... On a besoin de ce qu'on appelle la forme sexuée du parasite, qu'on appelle les gamétocytes mâles et les gamétocytes femelles. Et ça, c'est important. Si on n'a pas ces gamétocytes mâles et femelles, il n'y a pas transmission de nouveau au vecteur. Quand le moustique se gorge de sang, il va récupérer dans son estomac les gamétocytes mâles et femelles qui vont se développer sous la forme d'oocystes à l'intérieur de l'estomac du moustique. Et puis, au bout d'un certain temps, qui varie selon les espèces, donc nous, par exemple, sur Yoelie et Bergei, il va mettre entre 15 jours et 3 semaines pour que ces oocystes libèrent les sporozoïdes qui vont migrer dans les glandes salivaires du moustique. Et quand, au bout de 15 jours, 3 semaines, les moustiques vont être prêts, ce qu'on appelle prêts, c'est que les glandes salivaires sont infectées. Donc nous, on a besoin des moustiques en routine, et c'est pour ça qu'on a un insectarium, et on a la deuxième partie, en fait, ici, où on a les cages. Donc on a deux armoires ventilées, ici... À température contrôlée de 26 oui, degrés. Oui, voilà. Donc ça, c'est pour ce parasite de rongeur-là, qui est Plasmodium yoeli. Et ici, c'est pour un autre parasite de rongeur qui est Plasmodium bergei. Donc, on a encore plein de choses à faire pour comprendre comment le parasite y rentre à l'intérieur de la cellule hépatique. On ne sait pas bien encore comment ça se passe. Et si on arrive à bloquer ça, on pourra peut-être trouver des nouvelles molécules qui permettront de bloquer cette partie-là. Donc, de nouveaux médicaments, parce qu'il faut savoir que les résistances sur les médicaments, ben, elles émergent. Et puis qu'on n'a toujours pas de vaccin efficace. Donc, du coup... Nous, on a toujours l'objectif de trouver un vaccin qui protégerait contre le paludisme. Voilà le reportage du jour dans ce centre d'immunologie et des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière. Vous travaillez dans les autres, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Il y a pas mal de sujets qui ont été abordés, Olivier Sylvie. Oui, alors le premier, c'est qu'effectivement, le quotidien au laboratoire, hein, c'est parfois très difficile et c'est un effort de tous les jours. On peut pas, donc on s'occupe de nos moustiques. Hein, donc là, pour le coup, on les maintient en vie, on les fait se reproduire à des fins expérimentales, évidemment. Et ça demande beaucoup de travail et c'est un travail d'équipe. Voilà, je voulais juste rebondir par rapport à ça. Dominique Mazier. Je dis la même chose. Ce qu'on entend dans le reportage, c'est qu'il y a effectivement, même si on connaît bien maintenant ce cycle de reproduction du plasmodium, il y a encore beaucoup d'inconnus. On en parlait tout à l'heure, notamment sur les formes quiescentes de la maladie et sur le fait qu'il puisse rester sur toutes les mécaniques qui se passent dans le foie, sur les hépatocytes. Olivier Sylvie. Alors il y a énormément de choses qui restent à découvrir. On a évidemment beaucoup avancé. Les progrès de la biologie moderne ont plus, hein, que ce soit la biologie moléculaire, l'imagerie, la structure. Le domaine du paludisme bénéficie de toutes ces avancées, mais il reste énormément de zones d'ombre les mécanismes d'entrée, par exemple, du parasite dans le foie, qui restent très mal connus. Le mécanisme de dormance, comment ce parasite se met en quiescence, pourquoi certains parasites vont se développer, d'autres dormir, comment ils se réveillent, tout ça, on ne sait absolument pas. Alors, c'est un peu anecdotique, mais une des explications qui est assez belle, c'est de dire le parasite, il dort dans le foie jusqu'à ce qu'il y ait la saison des pluies. Et au moment où il y a la saison des pluies, il sort, il y aura des parasites chez le sujet infecté et le moustique qui va se gorger pourra produire à son tour des parasites dans ses glandes salivaires. Il y aura une sorte de chronobiologie du parasite. Oui. Alors c'est vrai qu'on voit ça chez Plasmodium vivax au Valais et la répartition de ces deux espèces est plus large et dans des zones où la pluie n'est pas systématique et n'est pas là tout à longueur d'année. Donc, c'est une explication. Maintenant, on travaille. Elle n'est pas testée. C'est pas vraiment testé ou bien dans les conditions. C'est difficile. Je crois, Karine tout à l'heure disait que c'est difficile de travailler avec les sporozoïdes. Je peux vous dire que c'est encore plus difficile de travailler avec l'hypnozoïde, de comprendre pourquoi il dort et surtout pourquoi il se réveille. Et donc, on a, mon équipe travaille, mais en collaboration avec l'équipe d'Olivier pour essayer de comprendre. Comprendre ce phénomène. Olivier, oui, pour rebondir là-dessus, il faut rappeler que la phase d'infection du foie dont on parle là est totalement asymptomatique. Donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout accès à cette phase-là chez l'homme, du moins. Donc c'est pour ça qu'on utilise d'autres modèles. On a des modèles de culture cellulaire, on essaie de reproduire le développement ou la dormance du parasite, et puis on a des modèles de rongeurs où on peut étudier ces phénomènes. Mais il y a eu quand même quelques études chez l'homme dans le cadre d'une... Alors, c'est une application un petit peu particulière. C'était un traitement de la syphilis, de la neurosyphilis, ou en fait, ce qu'on appelait la malariothérapie, où on infectait volontairement, de façon expérimentale, en fait, des patients atteints de neurosyphilis pour les traiter, parce que l'infection avait un effet bénéfique. Et ces études-là ont permis de caractériser certains phénomènes, justement, de dormance et de réactivation dans un contexte, là, pour le coup, chez l'homme. Mais Dominique Mazier, c'est également comme ça qu'on a trouvé la phase hépatique de Plasmodium vivax chez l'homme. Le rôle du moustique qui a été trouvé dès le début du siècle, le parasite érythrocytaire dans le sang a été trouvé également au début du siècle, mais entre les deux, il n'y avait rien. On ne savait pas, et on savait bien que le sporozoïde n'allait pas directement dans le sang. Et c'est Short et Garnham, deux personnages absolument anglais, absolument extraordinaires, qui ont cherché à savoir où allait le parasite pendant cette phase muette. Ils ont infecté des singes avec Plasmodium cytomolgi, qui est un plasmodium de singe, et ils ont, après découpé le singe, ils ont, bingo, trouvé un parasite à l'intérieur du foie. Et pour revenir sur cette syphilis, quand il a fallu passer chez l'homme, ils se sont tout simplement rendus, l'éthique à l'époque n'était pas ce qu'elle est, ils se sont rendus dans un hôpital où il y avait des patients atteints de syphilis tertiaire quaternaire, qui se faisaient piquer par Plasmodium vivax, et donc ils ont demandé, ce que je trouve très joli, consentement éclairé au monsieur, c'est surtout sa femme qui a dit il n'y a pas de problème, et donc ils ont infecté volontairement ce monsieur, et ils ont fait une petite biopsie du foie, ils ne l'ont pas découpé en rondelles comme le singe, parce qu'ils savaient que c'était au niveau du foie, et ils ont trouvé là le parasite au foie. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand un moustique pique un individu, il va injecter 10, 15, 20 sporozoïdes, pas plus. Très donc peu, oui. Il y a très peu, il n'est pas question d'aller farfouiller dans un foie comme ça pour chercher des parasites, un foie humain. Qu'est-ce qu'on comprend aussi aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, de ces formes d'immunité locale des populations et du fait que ces immunités soient aussi courtes dans le temps, puisque vous expliquiez tout à l'heure l'un et l'autre que cette immunité se perd dès que les personnes sortent de la zone impaludée. Comment est-ce qu'on comprend, puisqu'on connaît assez bien aujourd'hui les mécanismes d'immunologie acquise, pourquoi est-ce que l'immunologie acquise contre le plasmodium ne dure pas plus longtemps dans le temps? Est-ce qu'on comprend ça, Olivier Sylvie? Alors on commence à comprendre, c'est probablement multifactoriel. C'est très complexe. On sait que ce sont les anticorps qui jouent un rôle primordial dans cette protection acquise. C'est une protection clinique, encore une fois. Il n'y a pas de protection contre l'infection. En zone d'endémie, les gens continuent, quand ils sont piqués par des moustiques infectés, à être infectés par les sporozoïdes, à avoir des parasites dans le foie. Par contre, et dans le sang. Mais ils deviennent protégés contre les manifestations cliniques. Et ça, on sait que les anticorps, donc dirigés contre certains antigènes du parasite, jouent un rôle clé. Après, il faut, comme le disait Dominique tout à l'heure, une exposition prolongée et permanente aux parasites pour maintenir des taux d'anticorps probablement à des niveaux protecteurs. Et quand on quitte les zones d'endémie, qu'on n'est plus exposé aux parasites, et ben les taux d'anticorps diminuent et on est plus protégé. Ça signifie, Dominique Mazier, que les personnes qui vivent en zone impaludée, qui ont cette forme d'immunité, si on de peut de prémunition, voilà, oui. Ça veut dire que c'est les plasmodiums ne vont pas infecter les globules rouges, c'est-à-dire que les globules rouges n'explosent pas, ça reste au niveau hépatique. Comment ça se passe? Ah non, c'est tout à fait, c'est au niveau du sang. Mais visiblement, il y a une espèce de paix armée entre le parasite qui se multiplie dans les globules rouges, qui fait éclater les globules rouges, qui va repénétrer dans une autre hématie. Il y a une paix armée, c'est-à-dire que même s'il y a une parasitémie, un nombre de parasites important, le sujet n'est pas malade. Et en particulier, on voit des enfants qui jouent au football avec un grand nombre de parasites dans leur sang. C'est fréquent. C'est-à-dire que la maladie suit son cycle normal, totalement normal, mais c'est asymptomatique. Oui, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure des formes adhésives, hein, que le parasite se colle dans les micro-vaisseaux, et on sait maintenant en fait que le parasite est génétiquement très divers. Donc il y a beaucoup de polymorphismes et de souches différentes, et ces protéines collantes qui sont exprimées adhésives à la surface des globules rouges sont très variables d'un parasite à l'autre. Et on sait que certains variants sont associés à des pathologies plus graves, alors que d'autres sont peut-être mieux tolérés. Et ça, ce sont des interactions en fait avec des récepteurs particuliers sur les vaisseaux sanguins qui expliquent ces différences-là. Et au fil du temps, un individu qui, en zone à forte transmission, va être exposé à de nombreux parasites, va s'immuniser contre un certain nombre de variants, et finalement va pouvoir bloquer les variants les plus dangereux, continuer d'être infecté par d'autres variants qui sont moins pathogènes, et donc être porteur du parasite qui lui va évidemment pouvoir continuer son cycle et être transmis. Est-ce que ça explique en partie la raison pour laquelle il est si compliqué de trouver, pour le moment on n'en a pas trouvé, ou en tout cas il y a des candidats mais qui ont des taux de vaccination très faibles, un candidat vaccin efficace, Dominique Mazier? Alors il y a plusieurs types de vaccins. Enfin, je veux dire que le vaccin... prémunition n'existe pas vraiment. Je veux dire, c'est pas, si vous voulez parler des vaccins les plus aboutis, c'est évidemment, mais Olivier va en parler parce qu'il est friand de ce vaccin, c'est un peu ironique, et c'est une approche qui est totalement différente du vaccin antisporozoïde qui est supposé empêcher le sporozoïde de pénétrer à l'intérieur du foie et après de se multiplier dans les globules rouges. Donc c'est tout à fait différent. Et il y a sûrement beaucoup moins d'études faites pour essayer de mimer en fait la nature. Je trouve que c'est la chose la plus logique à faire, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de on n'a pas encore de vaccins prêts, sûrement pas. C'est pas faute d'avoir fait de la recherche sur ces vaccins. On a essayé plusieurs types. Effectivement, on a essayé de mimer, on a essayé de prendre des bouts de sporozoïdes, de mimer les antigènes à la surface. On a essayé plein d'approches. Et pour le moment, les meilleurs résultats sont très décevants pour de la vaccination. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au taux de vaccination nécessaire qui est aux alentours de 75%. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, il y a un seul vaccin contre le paludisme qui a vraiment été testé à large échelle, c'est-à-dire qui a franchi un certain nombre d'étapes. Donc ce vaccin, il s'appelle Mosquirix, ou RTSS, qui est développé par GSK, qui a été maintenant testé en Afrique sur 15 000 enfants et qui malheureusement n'a pas montré une très grande efficacité. En fait, il est efficace à court terme. On observe une protection contre la maladie, mais cette protection disparaît très très vite après un an, au-delà de un an. Et en fait, on sait maintenant que c'est lié au taux d'anticorps qui sont trop faibles pour pouvoir protéger. Alors ce vaccin-là cible une protéine particulière, un antigène particulier, qui effectivement est un antigène de surface du sporozoïde. Donc là, le but de ce vaccin, c'est un vaccin idéal sur son concept, puisque le but, c'est d'empêcher le parasite de rentrer dans le foie. Et si on empêche complètement l'infection du foie, on empêche l'apparition du parasite dans le sang, les symptômes, et on empêche aussi la transmission aux moustiques. Donc c'est tout gagnant. Le problème, c'est qu'un vaccin, pour qu'il marche sur l'infection hépatique, il faut qu'il soit efficace à 100%. Il suffit qu'il y ait un parasite qui sorte du foie, qui infecte les globules rouges, et l'infection, le parasite peut se multiplier de façon exponentielle dans le sang et on n'a pas de protection. Et du coup, comment expliquer que cette formule, qui, comme vous le dites, a l'air idéale sur le papier, ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'espérait? Alors, c'est un antigène particulier qui a été sélectionné, j'allais dire de manière empirique, pas tout à fait. C'est le principal antigène de surface en fait du parasite. C'est une protéine qui est extrêmement abondante. Et on sait, nous, par des études de in vitro, hein, au laboratoire, qu'il faut quand même des anticorps, un taux d'anticorps assez élevé pour espérer bloquer l'infection. Donc une des raisons de l'échec, ou en tout cas du faible succès de ce vaccin-là, c'est probablement que la cible n'est pas la cible idéale, ou en tout cas qu'elle ne doit pas être utilisée seule. Et il y a toute une recherche active, y compris dans mon équipe, pour trouver d'autres antigènes qui seraient peut-être des points plus fragiles du parasite qui permettraient de bloquer l'infection. Oui, la recherche est toujours très active. Là, j'ai fait le listing selon l'OMS, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'OMS, 21 vaccins au stade préclinique, 16 au stade clinique. Ça veut dire qu'il y a de bons espoir que sur tous ces essais, alors que ça fait quand même effectivement un certain nombre d'années que la recherche est active, parce que compte tenu de l'ampleur du fléau, évidemment, il y a un effort de recherche très poussé sur le paludisme. Vous pensez qu'il y a des chances qu'on y arrive, qu'on y aboutisse, donc à moyen, court terme? Alors, à court terme, probablement pas, mais à moyen terme, la recherche progresse. Il y a notamment des approches qui sont ce qu'on appelle des vaccins vivants atténués, où on utilise le parasite dans sa complexité, pour le coup. Alors, on l'atténue en l'irradiant ou en le modifiant génétiquement pour qu'il soit inoffensif. Hein. C'est un peu le principe du BCG qui vaccine contre la tuberculose. Et ces approches-là ont pu démontrer une certaine efficacité, y compris chez l'homme. Et on peut utiliser ces modèles-là, pas pour vacciner les populations, parce que je pense que c'est illusoire. On n'arrivera pas à produire suffisamment de parasites pour les utiliser comme vaccins dans les populations cibles. Mais on peut se servir de ces modèles-là, où on arrive à protéger les gens, pour décortiquer les mécanismes immunologiques, identifier les cibles qu'on pourra inclure à ce moment-là dans des vaccins qu'on appelle synthétiques, qu'on peut fabriquer à large échelle. Alors l'autre piste, évidemment, c'est la piste prophylactique. On sait que le fait d'avoir répandu des moustiquaires qui étaient traités aux insecticides a fait fortement baisser, certainement à l'origine d'une grande partie du diminution du nombre de cas en Afrique. Mais le problème, c'est que pour les traitements, que ce soit pour les insecticides ou pour les traitements contre la maladie elle-même, c'est-à-dire à la quinine, à l'artémisinine ou à la chloroquine, eh bien, on constate, on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus de résistance. Il y a d'ailleurs une étude qui vient d'être publiée dans le magazine Nature, dans la revue Nature, qui parle justement du développement de cette résistance de falciparum précisément au traitement. Mais écoutez ce reportage qui faisait déjà état de cette résistance il y a une dizaine d'années en Afrique. Le paludisme est transmis par la piqûre de la femelle d'un moustique, l'anophèle. Il tue chaque année plus de 15 000 personnes au Burkina Faso. Les recherches ont prouvé que les moustiques sont devenus de plus en plus résistants aux insecticides. Cette grand-mère de 70 ans a vu plusieurs de ses petits-enfants mourir de la maladie. Cette année, il y a eu beaucoup de paludisme. Les jeunes enfants ont été particulièrement touchés. En cause, l'utilisation massive d'insecticides dans la production de coton. Les moustiques ont fini par développer une résistance à certains produits, y compris ceux utilisés pour imprégner les moustiquaires. Pour le responsable du programme de recherche contre le paludisme, il faut développer de nouveaux insecticides pour remplacer ceux qui sont devenus inefficaces. Nous sommes grandement impliqués donc dans le développement de nouveaux insecticides. Des insecticides pour le moment qui sont les moins, qui ne seront pas utilisés beaucoup en agriculture, qui seront surtout destinés donc à l'usage en santé publique. L'an prochain, le gouvernement burkinabé compte distribuer plus de 6,5 millions de moustiquaires imprégnés d'un insecticide auquel les moustiques n'ont pas encore pu s'adapter. Voilà, là, c'est la résistance aux insecticides de la part des moustiques, mais il y a la résistance, je l'ai dit, au traitement antipaludique de la part de Plasmodium directement. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Olivier Sylvie, hein, en Asie du Sud-Est, des Plasmodium résistants à l'artémisinine. Alors, il y a une étude qui est controversée, vous me disiez, mais qui faisait état, justement, de traces de ces Plasmodium résistants en Afrique. Oui, alors il y a eu un cas décrit, si mes souvenirs sont bons, d'un travailleur chinois en fait qui a contracté un paludisme et qui était apparemment cliniquement résistant à l'artémisinine, donc en Afrique. Je pense qu'il faut être prudent pour le moment. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la recherche a quand même avancé très vite. On arrive à déceler assez vite les résistances et surtout très très vite il y a eu des études génomiques donc avec la biologie moléculaire moderne et le séquençage qui ont permis d'identifier des marqueurs moléculaires chez ces parasites résistants et maintenant en fait il y a énormément d'études donc génétiques des parasites partout dans le monde pour essayer de déceler l'apparition de ces mutations pour pouvoir réagir assez vite en cas de dépistage. Mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de confirmation d'apparition de résistance chez Plasmodium falciparum en Afrique à l'artémisinine. Sur la résistance aux insecticides, peut-être, Dominique Mazier ? C'est, vous savez, quand le DDT a été découvert en 1939, c'était fabuleux. Enfin, les moustiques tombaient comme des... Comme des mouches, comme c'est des le cas mouches, de le dire. Comme des moustiques, comme des moustiques, oui. Et ce qui a fait que l'OMS a dit, ben, hop, on y va. Et dès 1951, il y avait les premiers cas de résistance. Donc, on est passé à des insecticides plus... qui sont efficaces, mais qui sont plus chères. De nouveau, le moustique est devenu résistant. On est passé en plus à des organophosphorés ou des molécules qui sont beaucoup plus chères. Et on en arrive à un point où on a des molécules qui sont trop chères pour qu'elles soient appliquées en zone d'endémie. C'est un peu le problème de l'utilisation massive. Et c'est un peu la même chose pour les médicaments. S'il n'y a pas une surveillance, mais bon, Il faut voir quand même qu'en Afrique, un enfant, 25% seulement des enfants souffrant de palu vont avoir accès à des soins dans un hôpital ou dans un centre de soins. Un dernier mot peut-être pour conclure, il y a une autre piste, mais alors qui est une piste dont on a déjà parlé ici, qui a été utilisée en Californie, au Brésil, en Malaisie, contre d'autres maladies, contre la dengue, contre Zika notamment, contre le chikungunya, ce sont la modification génétique du patrimoine des moustiques. Il y a une toute récente publication du centre John Hopkins de recherche sur la malaria à Baltimore qui utiliser CRISPR-Cas9 pour rendre les moustiques beaucoup moins susceptibles de contracter le plasmodium. Est-ce que c'est une piste qui vous paraît prometteuse, Olivier Sylvie ? Alors, je pense que c'est une piste qui est déjà intéressante pour la recherche, pour comprendre les mécanismes d'infection chez le moustique. Alors, c'est vrai que les technologies maintenant modernes de ce qu'on appelle de genome editing, avec CRISPR, pour modifier, manipuler génétiquement des organismes, se sont répandus, y compris donc dans le domaine du paludisme. Alors pas seulement pour le moustique, on utilise aussi ces technologies-là pour modifier le plasmodium, pour immuniser, vacciner, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors les pistes du moustique génétiquement modifié posent évidemment d'énormes problèmes éthiques et environnementaux. C'est clair qu'il faut étudier, il faut mieux comprendre quels sont ces risques-là. Je suis pas le mieux placé pour en parler, c'est pas vraiment mon domaine de compétence, mais il y a eu plusieurs études, il n'y a pas que celle-là, il y a déjà eu des études sur des moustiques rendus génétiquement Il y a eu des résistants. Études et puis il y a eu des cas, il y a eu des lâchés par exemple en Californie, 20 millions de moustiques génétiquement modifiés qui ont été lâchés précisément pour ensemencer les femelles moustiques et pour diminuer et supprimer la prévalence de Zika à l'intérieur de ces moustiques qui n'étaient pas les mêmes, c'était pas des Anopheles, c'est Aedes. Un mot, vous, pour conclure, Dominique Mazier, sur cette recherche sur ce gène FREP1 qui, en le supprimant, permettrait de faire en sorte qu'Anopheles ne soit plus un vecteur du paludisme. Je suis, comme Olivier, je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour parler de ça. Je veux dire, il y a le problème de diminuer, en effet, la sensibilité au paludisme. Il y a le problème après du comment ce moustique modifié va se comporter. C'est pas évident qu'il soit attiré par la femelle. C'est pas évident que... On a vu ça avec les mouches tsetse. On s'est avant que les mâles qui avaient été modifiés ne volaient pas à la même hauteur que les femelles. Donc, c'est un peu... cette note ironique. on y reviendra de toute façon et on parlera de ces problèmes d'édition génétique et de relâchage dans la nature de moustiques ou d'autres types d'animaux génétiquement modifiés. Merci beaucoup en tout cas Dominique Mazier, merci Olivier Sylvie d'être venu nous parler de l'état de la recherche sur le paludisme. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Nominaguette, Saint-Vulfran, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est comme chaque lundi une nouvelle série documentaire dans quelques secondes, dans quelques minutes. Aujourd'hui, artiste à l'œuvre, six créateurs au travail toute la semaine par Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Smuk. Et tout à l'heure, à 18h20, du grain à moudre se posera la question nucléaire. Y a-t-il matière à débat avec, comme chaque jour, Hervé Gardette aux commandes. Et pour ce qui nous concerne, demain, nous irons plonger au cœur des océans, mais avec un microscope pour essayer de comprendre comment l'action de l'homme modifie la chimie de nos océans. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.